Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Kennedy fut-il un bon président ? This is Senator John Kennedy. Je suis John Kennedy. Nous sommes un grand pays, et moi, Kennedy, je lutterai pour l'accroissement de cette grandeur. Nous saurons rester fidèles à notre idéal de liberté dans cette époque dangereuse. Le 22 novembre 1963, c'est un homme accompli qui disparaît. Ni sa santé, ni les situations dangereuses dans lesquelles il se plaisait ne le destinaient à vivre 96 ans, l'âge qu'il aurait aujourd'hui. En même temps, ce qui a été tué, c'est autant une promesse qu'un président, d'où la difficulté de tirer un bilan froidement rationnel de son mandat. La chose est d'autant plus malaisée que Kennedy et son cabinet ont été de grands fabricants d'images, lesquels se sont substitués à la réalité. En conséquence, beaucoup d'Américains, et le président Obama le premier, considèrent avec regret les albums aux couleurs passées de ces 34 mois si vite achevés. À l'époque, peu les ont vécus en réalité comme un moment de grâce qu'il est convenu de célébrer aujourd'hui. On était en pleine guerre froide, et par la suite, il a suffi de peu d'années pour que la guerre du Vietnam écrase le rêve de nouvelles frontières de Kennedy comme celui de grandes sociétés de son successeur Johnson. Pierre Mélandry, bonjour. Bonjour. Excellent spécialiste des États-Unis, votre classique renouvelé paraît maintenant en format de poche, l'histoire des États-Unis contemporains, c'est chez Perrin Collection Tempus. On va commencer avec la campagne électorale qui a été extrêmement créative grâce à John mais à son frère Robert qui lui était associé très étroitement. À l'issue de cette campagne, novembre 60, les résultats sont très serrés néanmoins. Oui, d'abord c'est une campagne qui est effectivement novatrice. Vous avez parlé du rôle de l'image dans la saga des Kennedy. Gore Vidal avait même dit à un moment, il crée des illusions et appelle cela des faits, mais qui a été marqué par la première série de débats télévisés, dont l'impact a été jugé à tort ou à raison si important qu'il a fallu attendre encore longtemps avant que des candidats prennent le risque de recommencer l'expérience. Nixon est battu de 120 000 voix seulement. Exactement. Et l'élection a été terriblement contestée, car le bruit a couru de fraudes massives dans deux États, le Texas de Johnson, qui était le colistier de Kennedy, mais aussi Chicago, du maire Richard Daley, qui savait tenir ses registres. D'ailleurs, chez Eisenhower, le prédécesseur du sortant, la demande à Nixon, qui était le battu, de contester l'élection. Mais Nixon, qui avait un certain sens politique et s'est rendu compte que s'il le faisait, il paraîtrait un mauvais perdant et se priverait de toute chance de devenir un jour président, ce que, à juste titre, il espérait pouvoir faire un jour, a décliné. Mais il n'empêche, Kennedy arrive avec une élection effectivement gagnée de justesse et surtout sans ce qu'on appelle des coattails, c'est-à-dire sans avoir entraîné avec lui des élus qui n'auraient pas été élus s'il n'avait pas été candidat. Au contraire, les démocrates reculent un petit peu à la Chambre. Et surtout, chez les démocrates, ce sont ceux que l'on appelle les libéraux aux États-Unis, à ne pas confondre avec le terme français, c'est-à-dire les progressistes, qui sont le plus battus. Ce qui fait que Kennedy, s'il arrive avec une majorité apparemment écrasante de son parti au Congrès, en réalité, va se heurter à ce qu'on appelle la coalition conservatrice, à savoir la conjugaison d'une grande partie des républicains avec un quart à peu près des démocrates qui sont des sudistes conservateurs. Ce sera une grande difficulté dans sa politique sociale, on y viendra dans la seconde partie. En matière de politique extérieure, cette nécessité de négocier avec le Congrès est peut-être moins grande puisque l'anticommunisme réunit à peu près tous les partenaires. Anticommunisme et souci du monde libre. Je suis le président du monde libre et pas seulement celui des États-Unis qui l'exprime dans ce premier grand discours fondateur, résumé ici par Pierre Creness pour la radio française. Pierre Creness, c'est celui qui a annoncé la libération de la France en 1944. sénateurs et représentants lui font un vibrant accueil. Il s'adresse à la Chambre et au Sénat réunis et il adresse son premier message sur l'état de l'Union. En voici les points essentiels. Politique étrangère, Europe. L'unité de l'OTAN a été affaiblie par des rivalités économiques et particulièrement affectée pour des raisons d'intérêt national. Les liens étroits que nous avons avec ceux dont nous partageons les espoirs et les intérêts constituent l'atout le plus puissant des États-Unis. Europe orientale, les États-Unis ne doivent jamais oublier qu'ils espèrent que les peuples de l'Europe orientale jouiront un jour de leur liberté dans le bien-être. Est-Ouest. L'URSS et la Chine communiste ont toujours la même ambition de dominer le monde. Les États-Unis doivent faire face à cette menace en procédant à une révision complète de leur politique militaire, économique et diplomatique. Pour l'Amérique du Sud, le programme présidentiel est une Amérique latine libre et prospère. Notre objection n'est pas contre la volonté du peuple cubain d'améliorer son standard de vie, dit-il. Notre objection est contre la domination de ce peuple par des tyrannies étrangères et domestiques. C'est peut-être le début de la suprématie de la télévision, mais les liaisons radiophoniques transatlantiques ne sont pas encore parfaites. Il annonce un développement des dépenses militaires, et puis parmi les adversaires, on a noté, là, c'est le dernier point sur lequel il insistait, Cuba. Oui, alors je crois d'abord, il faut revenir à cette affaire des dépenses militaires. Eisenhower, qui était un général, considérait que le militaire était un moyen au service d'une fin. Et il redoutait qu'un excès de dépenses militaires ne finisse par nuire à la fin, c'est-à-dire créer aux États-Unis non pas l'état de liberté qu'il se voulait être, mais un état garnison. Et vous vous rappelez, c'est quelque chose de très connu, que dans son message d'adieu, il avait évoqué les dangers du complexe militaro-industriel. Kennedy a une vision très exactement symétrique. Lui a écrit, quand il était jeune, son mémoire de maîtrise sur la façon dont l'Angleterre s'était assoupie face à la menace hitlérienne. Why England slept. Et à ses yeux, la leçon qu'il faut en tirer est que les démocraties qui n'aiment pas la guerre, qui donc sont prêtes à céder facilement si elles sentent la menace de guerre peser, n'ont qu'une voie de salut. C'est être suffisamment armé pour être toujours en mesure de dissuader les provocations de l'adversaire. D'où cette idée qu'il faut réarmer, et il adopte le slogan de Churchill, réarmer, mais sans doute, mais pour parlementer. Et sur Cuba, qui est plus qu'une épine dans le pied pour les États-Unis, Kennedy juge le comportement de son prédécesseur assoupi. Ce qu'il avait dit durant la campagne, il avait probablement en trichant, car il était très probablement informé de la préparation d'une invasion d'exilés cubains par la CIA, il avait reproché véhémentement à Nixon sa passivité face à cette provocation que constituait l'existence d'un régime castriste à quelques centaines de kilomètres des États-Unis. Alors, avril 61, vous évoquez une préparation d'un débarquement anti-castriste, et il a lieu. Bête des cochons, et aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères de Fidel Castro, Raoul Roa, exprime sa fureur anti-impérialiste. Cuba a été envahi ce matin par des unités de mercenaires en provenance de la Floride et du Guatemala. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis du crime international d'agression. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis d'avoir déclenché contre Cuba une guerre d'invasion pour ramener Cuba dans sa condition honteuse de satellite de l'impérialisme nord-américain. En même temps que Raoul Roa prononçait son réquisitoire devant la Commission politique des Nations Unies, le secrétaire d'État Dean Rusk tenait à Washington une conférence de presse. Il a affirmé que l'invasion de Cuba n'était pas partie du sol des États-Unis. Il a rappelé que le président Kennedy avait déclaré que les États-Unis n'interviendraient en aucune manière dans cette lutte, qui est une lutte entre la dictature de Fidel Castro et le peuple cubain, que les États-Unis apportaient leur sympathie à tous ceux qui voulaient être libres. John Kennedy a-t-il été un bon président? C'est notre question. Si on avait eu à tirer le bilan au bout de 100 jours, après cette opération désastreuse qui est une véritable comédie d'erreur, l'opération de la baie des cochons, la réponse aurait été très sévère. Oui, vous avez raison, c'est une comédie d'erreur. La première erreur a été évidemment pour lui de s'engager durant la campagne. Il est coincé. Parce que alors, il s'est assez intelligent pour se rendre compte que ce projet finalement n'est pas si sûr que cela. Et il hésite à s'y engager. Mais il a face à lui des hauts responsables militaires du renseignement qui lui expliquent, pour parler de façon triviale, que tout est plié et qu'il redoute que s'il dit non, il se voit reproché par des fuites d'adopter une distance énorme entre sa rhétorique plus ou moins viril et martial d'un côté et la réalité de son comportement. Donc, il s'engage, mais comme en même temps, il n'est pas très sûr de lui, il refuse d'assurer aux exilés le soutien que la CIA leur avait promis. C'est-à-dire qu'il s'assure l'échec. Mais il est assez intelligent, vous insistez sur son intelligence, pour en tirer des conclusions efficaces. Oui, il va en tirer deux conclusions. La première, c'est qu'il faut multiplier les avis. Et on le verra par la suite, lorsqu'il créera, au moment d'une autre crise de Cuba, l'ExCom pour le conseiller et lui permettre de prendre chaque fois les décisions les plus éclairées. La seconde conclusion qu'il va en tirer, c'est que d'un côté, il ne peut plus se permettre la moindre erreur, et là, Khrouchtchev va se tromper énormément, croyant qu'il est temps d'exploiter la faiblesse de Kennedy. Kennedy est déterminé à adopter la plus grande des fermetés, mais en même temps, et cela sera récurrent dans son comportement face à l'URSS, en laissant toujours une porte de sortie à l'adversaire, de façon à éviter ce qui, à l'époque, est obsessionnel chez les dirigeants des deux côtés. Ça nous paraît évidemment lointain aujourd'hui, c'est l'escalade vers la guerre nucléaire. Kennedy disait sans cesse qu'il voulait avoir les moyens d'éviter le dilemme entre l'humiliation et l'Holocauste. Alors, je ne veux pas personnaliser à l'extrême, enfin, vous m'y incitez, en parlant de M. K, de Khrouchtchev, le leader soviétique, et puis le kennedysme, c'est la personnalisation. Il faut quand même qu'on dise un mot des rapports personnels que les deux dirigeants, avant même l'existence du téléphone rouge, qui naît à leur époque, ont eu. La rencontre la plus significative, c'est évidemment celle de Vienne en 1961. À sa descente du Boeing spécial qui venait de l'amener à Vienne, le couple présidentiel a été salué par les pancartes des étudiants américains de la capitale autrichienne. Pendant ce temps, une voie non moins triomphale ouvrait à M. Khrouchtchev à travers les pays de l'Est l'accès de Vienne. Dans la capitale autrichienne, le président de la République fédérale, M. Adolf Scharf, est un diplomate habile. Et il le fit bien voir en équilibrant avec une grande précision sa réception des deux grands. Même garde d'honneur, même cortège, même accueil à la Hofburg, même canapé. La rencontre historique des deux grands fut immédiatement suivie d'un premier entretien. Nous avons des avis divergents sur ce qui constitue la liberté, monsieur le premier secrétaire, mais je regrette la croyance historique selon laquelle nos différends ne peuvent se résoudre que par le conflit armé. У нас очень разные взгляды. Разногласия могут быть решены не только через вооруженный конфликт. В таком случае недооценивать историю, господин президент. Alors vous avez un sens erroné de l'histoire, monsieur le président. La dernière guerre a coûté la vie à 20 millions de vos concitoyens. Сегодня только в течение первого часа войны погибнет вдвое больше русских. Avec l'arsenal nucléaire dont nous disposons aujourd'hui, deux fois plus de soviétiques mourraient dans la première heure. Сегодня только в течение первого часа войны погибнет вдвое больше русских. В таком случае хорошо, что у нас так много народу. Heureusement que nous sommes si nombreux. Après un commentaire de Michel Onfroll, ça c'est de la vraie RTF, la reconstitution par une série canadienne signée John Cassard, des conversations qu'ont eues Kennedy et Khrouchtchev, c'était l'été 61 et la conclusion de Kennedy, l'hiver sera froid. Oui, effectivement, comme vous l'avez compris, Khrouchtchev croit qu'il va pouvoir exploiter ce qu'il perçoit comme les déficiences de leader de Kennedy. Et déjà à Vienne, il annonce qu'il va relancer ce qui quand même est le grand point d'achoppement à l'époque entre les Occidentaux et le Kremlin, c'est la crise de Berlin. Or, réplique de Kennedy, qui va certainement inquiéter les Soviétiques, il demande au Congrès l'autorisation de rappeler 250 000 réservistes. Mais en même temps, et ce que je vous expliquais tout à l'heure se vérifie ici, il omet délibérément de parler des droits occidentaux d'accès à Berlin-Est, ce qui va offrir à Khrouchtchev une porte de sortie qui va mettre la crise pour un certain temps dans une position beaucoup moins dangereuse, à savoir l'érection du mur. Ce n'est pas une très jolie chose, dira Kennedy, mais c'est mille fois mieux qu'une guerre. Mieux vaut un mur qu'une guerre. S'il y a une phrase à retenir de Kennedy à Berlin, c'est celle-ci, plutôt que je suis un Berlinois. Évitez la guerre parce qu'on est peu d'années après la Seconde Guerre mondiale, qu'on est dans une situation nucléaire incertaine. Faire un parallèle, je voudrais qu'on insiste aussi sur ce tout dernier point en matière de politique étrangère entre le communisme et le colonialisme. Il s'agit de contrebattre l'influence du modèle de Cuba dans le tiers-monde, d'être très présent dans le tiers-monde et de dire d'un même mouvement, on est pour la défense des libertés des peuples, mais aussi dans le monde colonisé et pas seulement dans le monde communiste. Oui, c'est particulièrement vrai pour Kennedy, qui, ne l'oublions pas, avait fait scandale en France en dénonçant la politique française en Algérie. Kennedy qui pourtant va avoir du mal à trouver un chemin étroit entre la volonté de voir les pays émancipés du colonialisme désormais adopter un chemin de réforme qui le mène vers le camp occidental et de l'autre, le basculement vers le camp communiste. Et c'est là que sera un de ses principaux problèmes au Vietnam. K-E-N-N-E-D-Y, Jack's the nation's favorite guy. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track. Come on and vote for Kennedy. Vote for Kennedy. Keep America strong. Kennedy, he just keeps rolling up. Kennedy, he just keeps rolling up. Kennedy, he just keeps rolling along. Vote for Kennedy. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Kennedy fut-il un bon président avec Pierre Mélandry? Votre histoire des États-Unis contemporains vient d'être reprise en deux volumes chez Tempus Perrin. La réponse, elle est simple pour Frank Sinatra. Un mot peut-être sur Frank Sinatra, Pierre Mélandry? Oui, bah c'était un ami de Kennedy, mais finalement il s'est fait évincer de la Maison Blanche à l'instigation de Bobby, le frère qui était ministre de la Justice, lorsque celui-ci a été informé qu'il avait été à l'origine d'une liaison du président avec une jeune femme qui était également la maîtresse d'un des grands leaders de la mafia, Sam Giancana. Et ce n'est que sous les Reagan que Sinatra retrouvera glorieusement le chemin de la Maison Blanche. L'addiction sexuelle de Kennedy, c'était un secret à préserver, mais le pire secret, c'était évidemment celui de son état de santé. Le Congrès, avez-vous dit, gêne beaucoup Kennedy en politique sociale, en politique intérieure, bien davantage que dans le domaine de la politique extérieure, qui était l'objet de notre première partie. Ce qui fait que, dans le domaine strictement social, pratiquement, aucune réforme n'a pu être votée. Oui, un historien qui était un des conseillers de Kennedy, Arthur Schlesinger, a écrit un livre célèbre qui s'appelle « La présidence impériale ». Et il dit que, sur le plan de la politique étrangère, le président avait des pouvoirs quasi impériaux. Mais il dit, sur la scène intérieure, il était dans la situation quasi d'un homme assiégé. Et il est vrai que le président Kennedy, qui pourtant reprend pour partie des programmes qui traînent devant le Congrès depuis les années 50, ne va pas réussir à en faire entériner la plupart. J'ajoute que ceci dit, il ne faut pas trop s'en étonner. Les présidents, de façon générale, aux États-Unis, ont énormément de mal à faire voter leurs grands programmes intérieurs. On a Roosevelt, on va avoir Johnson, un peu Reagan, Obama, mais les autres se sont toujours inclinés devant la résistance du Congrès. Il y avait déjà dans les tiroirs de Kennedy un projet Medicare que Barack Obama a réussi à sortir, mais son application est bien difficile. Un des verrous, expliquiez-vous, Pierre Mélandry, c'est l'importance des démocrates du Sud qui défendent la situation de quasi-apartheid qui existe dans plusieurs États. Par exemple, quand en 1961, des activistes noirs venus du Nord, les voyageurs de la liberté, imaginent s'installer à l'avant des bus, dans les places réservées aux Blancs, utiliser les toilettes réservées aux Blancs dans les stations-service ou les cafétérias réservées aux Blancs. Les démocrates sudistes, comme cette vieille dame francophone et sans doute fort cultivée qu'interroge cinq colonnes à la une, réagissent. Voici une vraie sudiste, Madame Camilla Brown. Mais je ne connais personne qui a eu un problème avec les nègres qu'il connaît. Ces choses qui arrivent, on voit les photographies dans Life magazine, on dit que c'est tout arrangé en avance. parce qu'il y a des personnes qui viennent ici du nord et qui sont des, comment dit-on, agitateurs. Des agitateurs. Il y avait le bus station. Oui, l'arrêt de bus. L'arrêt du bus. Les nègres qui ont méfié des polices, n'est-ce pas? Qui ont défié la police. Défié les polices. Parce qu'ils voulaient occuper les bus ou parce qu'ils ne voulaient pas monter dans les bus? Ils peuvent bien monter dans les bus. Mais ils devaient s'asseoir à l'arrière. Oui, c'est mieux. À Rome, il faut suivre les coutumes de Rome, n'est-ce pas? Mm-hmm. Au sud, il faut suivre les coutumes du sud. Mais vous pensez donc qu'un jour, peut-être, les gens du sud pourront dire, oui, les Noirs, au bout d'une certaine évolution, pourraient être égaux. Jusqu'au point qu'ils sont assez civilisés et qu'ils n'ont pas une odeur désagréable. Et bien, cela prendra peut-être 2000 ans. À Rome, il faut suivre les coutumes de Rome. Tiens, c'est une phrase qui dit quelque chose aujourd'hui. Les Kennedy. Parce qu'il faut maintenant faire intervenir le frère qui, attorné général, principal conseiller de John, joue un grand rôle dans cette affaire. Est-ce que ça les empêche de dormir? Oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas leur priorité. D'ailleurs, ce n'est pas la priorité du pays. Un sondage en 62 montre que 63% des Américains considèrent que c'est la guerre froide qui est l'essentiel et 6% seulement le mouvement des droits civiques. Mais ça les empêche aussi de dormir parce qu'ils redoutent précisément le militantisme des activistes du mouvement des droits civiques, en particulier Martin Luther King, qui rappelle à quel point il est scandaleux que les États-Unis persistent dans ce système d'apartheid et peu à peu, alors qu'au départ, la politique de Kennedy est de faire le moins de vagues possible et de satisfaire au moindre prix les revendications des activistes, peu à peu, le président va se rendre compte qu'il est obligé de beaucoup plus s'engager. Et ce... Mais c'est une affaire, Pierre Ménandry, de calcul. On perd les voix de Mme Camilla Brown et on garde ou on conquiert des voix apportées par le mouvement de Martin Luther King. Et alors, on établit une règle d'équilibre, où est le désavantage, où est l'avantage? Il y a quelque chose qu'il faut rappeler, nous sommes dans la guerre froide, et on se rend compte aujourd'hui, et certains historiens depuis l'ont établi, à quel point les dirigeants américains sont conscients du tort que porte à l'étranger la pratique de l'apartheid. C'est un véritable problème. Et puis il y a une deuxième chose qui joue. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, après, on ne peut pas être populaire en Afrique et dire que le colonialisme est un scandale. Plus, il y a désormais des ambassadeurs africains qui font directement l'expérience éventuellement de ce type de discrimination. Et de notre côté, vous avez évidemment les Noirs qui sont de plus en plus militants et qu'il est impossible d'empêcher de manifester leur mécontentement. L'idée que les Noirs seraient satisfaits de leur sort est une idée qui valait peut-être encore au début des années 50. Elle est totalement fausse, mais je veux dire, elle pouvait passer pour vraie. C'est une véritable provocation désormais. Et ce que le président comprend, c'est qu'il va lui falloir bouger et il va le faire à cause des réactions des militants noirs et de la campagne de Birmingham, où Martin Luther King utilise admirablement le phénomène de la non-violence et où on va voir l'opinion du Nord révulsée par le spectacle d'enfants et de femmes qui sont, comment dirais-je, victimes de lances à incendie, de chiens qui les attaquent. Tout ceci, évidemment, provoque une prise de conscience et le président doit désormais s'engager. Birmingham, c'est le Johannesburg de l'Alabama. Voilà que, à l'université du Mississippi d'abord, à l'université de l'Alabama, ensuite, des étudiants noirs ont prétendu avoir le droit d'entrer à l'université. Le récit dans le film Forrest Gump. Des troupes de fédéraux, pour faire appliquer une décision de la cour, ont pénétré dans l'université d'Alabama aujourd'hui. Deux nègres ont été admis, mais uniquement après que le gouverneur George Wallace ait symboliquement barré la porte d'entrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a deux rats qui veulent entrer à l'école. Des rats? Quand les rats essayent d'entrer par la véranda, maman arrive à les chasser d'un coup de balai. Pas de vrais rats, crétin, des nègres. Et ils veulent venir à l'école avec nous. Avec nous? Ah bon? Je peux vous assurer... Dès qu'il a su que le gouverneur Wallace tenait sa promesse de bloquer l'entrée, le président Kennedy donna l'ordre au secrétaire à la défense d'utiliser les forces militaires. Voici maintenant l'enregistrement que nous avons fait de la rencontre du général Graham, commandant de la garde nationale, et du gouverneur Wallace. Parce que la garde nationale ici présente est formée de soldats de l'armée fédérale en Alabama. Et ils vivent à l'intérieur de nos frontières et sont nos frères. Nous sommes gagnants dans ce combat. Parce que nous faisons comprendre au peuple américain les dangers que nous avons évoqués à maintes et maintes reprises est si évident aujourd'hui. C'est qu'une dictature militaire n'est pas souhaitable dans notre pays. Et c'est ainsi qu'à la fin de la journée, l'université d'Alabama à Tuscaloosa a aboli ses mesures de ségrégation et que les étudiants Jimmy Hood et Vivian Malone ont été inscrits pour la session d'été. Alors ça, c'est ce que la mémoire garde inscrit. Qu'est-ce qu'il a dit réellement? À partir de ce moment-là, nous sommes après les élections du mid-term de 62, après les affaires d'Alabama, les émeutes de Birmingham. D'abord, donc, là, il s'engage plus. Au Mississippi, il a envoyé quand même une vingtaine de milliers de soldats. Et là, il a fédéralisé la garde nationale de l'Alabama. Et surtout, il décide d'expliquer désormais son tournant politique dans un grand discours du 11 juin, qui est un très beau discours. Vous voulez le citer, je sens. Nous prêchons la liberté de par le monde et nous y croyons. Mais nous rendons au monde, et ce qui est plus important à nous-mêmes, que nous sommes la terre des hommes libres, sauf pour les Noirs. Que nous n'avons pas de citoyens de deuxième classe, excepté les Noirs. Que nous n'avons pas de système de classe ou de caste, pas de ghetto, pas de race des maîtres, sauf pour les Noirs. Là, manifestement, Kennedy va adopter une attitude beaucoup plus nette. Il propose quelques jours après ce qu'il appelle le Bull Connor Bill, du nom du shérif qui appartenait au clan qui avait tellement sévi lors de marches sur Birmingham, un projet qui prévoit des sanctions sous forme d'arrêt de subvention aux États du Sud qui continueraient à pratiquer la discrimination. Mais entendons-nous, ce projet, lorsqu'il meurt, est toujours à l'état de projet, victime d'un blocage au Sénat. Alors, lorsqu'il meurt, il est remplacé par un sudiste, son vice-président, pour qui l'entourage de Robert Kennedy n'avait que mépris. Mais quand on y regarde de plus près, Pierre Mélandry, l'œuvre en matière raciale, et plus encore l'œuvre en matière sociale de Kennedy, restée largement inachevée, ben c'est prolongé et c'est bien davantage réussi par Johnson. La grande société de Johnson, ça va plus loin que la nouvelle frontière de Kennedy. Bien sûr, parce que Johnson a trois atouts par rapport à Kennedy. D'abord, c'est un homme du Sud. Et c'est lui qui va expliquer à sa région qu'il faut cesser de pratiquer une politique qui se résume à trois mots, nigger, nigger, nigger. Il faut aller au-delà de la ségrégation. La deuxième atout, c'est un grand professionnel de la politique. Donc il sait exactement comment caresser les gens dans le sens du poil, comment tordre les bras. Et c'est un extraordinaire manœuvrier. On disait que c'était un Machiavel en chapeau Stetson. Et enfin, troisième atout, il va très habilement s'appuyer sur le remords que provoque chez les élus les refus qu'ils ont opposés à ces projets de loi. Et de ce point de vue, il y aura une phrase célèbre. Le premier discours qu'il prononcera devant le Congrès commencera par ces mots. « Je donnerai tout ce que j'ai pour ne pas être ici aujourd'hui. » Et après quoi, il expliquera qu'il est temps de rendre un hommage à celui qui est en train d'entrer dans l'histoire après sa mort comme un héros de légende en concrétisant les projets qu'il n'avait jamais réussi. Quand on sait quelle était la qualité, ou plutôt l'absence, de leur rapport pendant la présidence, c'est savoureux, mais on peut donc dire, Pierre Mélandry, ça, c'est l'art du merci politique. À vous, que s'il y a eu un moment de grâce, c'était après la mort de Kennedy. Arnaud Caillet à la technique, Jacques Sigal à la réalisation.